إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va continuer avec la troisième partie de l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de Ahamiyat al-Tawhid, l'importance du Tawhid. Et le Cheikh, donc, il a fait cette longue conférence, hein, remplie d'explications et de clarifications au sujet de cette base de l'islam qui est le Tawhid. Et donc il dit Al-Mursaluna kulluhum yad'una ila la ilaha illallah khatimuhum wa imamuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam صدقهم ودعا إلى التوحيد بل جاء بالحق وصدق المرسلين الذين من قبله لأنهم كلهم دعوا إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. لو كان يكفي أن يقر الناس بأن الله هو الخالق الرازق لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ولو كان معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بالخالق الرازق لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله لأنهم يقولون ذلك، فدل على أن هذا غير هذا، وأنه لا بد من إفراد الله تعالى بالعبادة. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأنهم يقرون بأنه هو الذي خلقهم. وقال أيضا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh explique que tous les messagers ont tous appelé à la ilaha illallah, tous les messagers d'Allah. Et le meilleur d'entre eux, et le dernier d'entre eux, et le chef d'entre eux, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, hein, il a appelé à la ilaha illallah, et il a cru en les messagers qui sont venus avant lui. Il a confirmé ce que les autres messagers avant lui ont enseigné. Et il a appelé donc au Tawhid, et il est venu avec la vérité, et il a cru en les autres messagers qui sont venus avant lui. Et il a cru au fait qu'ils ont tous appelé au Tawhid, et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, sans associé et sans partenaire. Et s'il était suffisant pour quelqu'un de dire qu'il n'y a pas d'autre créateur, pas d'autre qui donne la subsistance, excepté Allah, alors il ne leur aurait pas dit de dire la ilaha illallah. Hein? Si la signification de la ilaha illallah c'était uniquement de croire qu'il est le seul créateur et le seul qui donne la subsistance, il ne leur aurait pas dit dites la ilaha illallah, hein? C'est-à-dire dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, parce qu'il disait déjà, hein, que le seul créateur c'était Allah, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Donc ça c'est la preuve, hein? Ça c'est la preuve que la ilaha illallah signifie autre chose que de dire que Allah est le seul créateur et le seul à donner la subsistance et ainsi de suite. Donc la ilaha illallah, si on le comprend réellement, il faut comprendre que il y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset dans sourate al-Baqara, le verset 21 et 22, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux hommes en général, et il dit oh vous les hommes, adorez votre Seigneur, adorez votre Rabb, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui ont vécu avant vous pour que vous puissiez atteindre taqwa, pour que vous puissiez avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ils croyaient déjà en le fait qu'il était leur créateur, que Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur. Donc ils ont déjà accepté ça. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit à la fin de ce verset, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc si vous êtes d'accord que Allah est votre créateur et qu'il a créé vous ainsi que ceux qui vous ont précédés, alors dans ce cas-là, pourquoi vous lui donnez des égaux dans l'adoration? Et pourquoi vous lui donnez des semblables dans l'adoration alors que vous savez? C'est-à-dire, vous savez que c'est lui seul le créateur, c'est lui seul le pourvoyeur, c'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir et qui a tout créé. Donc si vous savez ça, comment vous pouvez lui donner des égaux dans l'adoration par la suite? فلا تجعلوا لله شركاء في العبادة. Donc ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration alors que vous savez que personne ne crée et personne ne donne la subsistance excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous acceptez le fait que vos idoles et ce que vous adorez en dehors d'Allah ne peut pas créer, ne peut pas donner le risque, et que vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça comme preuve contre eux. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise contre les mouchriquins l'argument du rububiyya, l'argument du tawhid al-rububiyya pour les appeler au tawhid dans l'adoration, pour les appeler au tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ibada. Du fait qu'ils acceptent déjà tawhid al-rububiyya, c'est un argument contre eux pour les appeler au tawhid de l'adoration. Donc le cheikh il dit, احتج الله عليهم بما أقر به على ما جحدوا من توحيد الألوهية فتوحيد الألوهية هو مناعة السعادة لا بد من تحقيقه ولا بد من الدعوة إليه ولا بد من بيانه للناس فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولكنه يعبد القبور ويعبد الأشجار ويعبد الأحجار يتقرب إلى الأولياء والصالحين والجن والملائكة بشيء من العبادات هذا مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى يجب أن يدعى إلى التوحيد فإن أقر به وإلا قتل. قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصيرا فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير قاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله كله لا يكون فيه شيء لا يكون فيه شيء للقبر ولا للصنم ولا للولي ولا للملك ولا للجن ولا للإنس يكون الدين كله الدين الذي هو العبادة الصلاة الصيام الدعاء الخوف الرجاء النذر الرغبة الرهبة الذبح وغير ذلك يكون كله وليس بعضه لله كله لله أما إنسان يقسم الدين بين الله وبين غيره فهذا مشرك الذي يقسم الدين بين الله والقبر وبين الله والولي هذا مشرك بالله جل وعلا وكافر بالله الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء الله جل وعلا لا يقبل العمل الذي فيه شرك لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique maintenant, il dit que, donc comme j'expliquais tout à l'heure, que يعني pour argumenter avec les mushrikoun, pour les appeler au tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, il établit la preuve sur eux en leur mentionnant tawhid al-rububiyya comme argument. Le fait qu'Allah est le seul créateur, le seul à donner la subsistance, le seul à faire vivre et à faire mourir, et le seul créateur. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ça comme un argument pour leur montrer qu'ils ne doivent pas donc adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils savent déjà que le créateur, c'est pas ce qu'ils adorent. Le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un argument contre eux. Et puisqu'ils ont rejeté Tawhid al-Uluhiyya, donc il faut se concentrer sur le Tawhid al-Uluhiyya, puisque c'est le centre de notre bonheur, et il faut absolument le réaliser correctement. Et il faut appeler à ce Tawhid, il faut le clarifier aux gens. Hein, parce que celui qui dit « La ilaha illallah » avec sa langue, et puis par la suite il va adorer les tombes, il adore les arbres, il adore les pierres, il se rapproche des awliya et des hommes pieux, et des djinns, et des anges, hein, avec une forme quelconque d'adoration, alors dans ce cas-là, il est un mushrik, il est associé avec Allah, il est kafir, hein, il est mécréant, parce qu'il est associé avec Allah, et il est obligatoire d'appeler ces gens-là au tawhid, de leur expliquer le tawhid. Et s'ils l'acceptent, hein, alhamdoulilah, c'est ce qu'on recherche, et c'est ça l'objectif. Toutefois, s'ils rejettent, alors dans ce cas-là, ils doivent être combattus. Hein. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 39 et 40 dans surat Al-Anfal, il dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, et que la religion tout entière soit à Allah seul. Hein? Donc le combat dans l'islam, et le djihad dans l'islam, et la guerre dans l'islam, il est uniquement pour le tawhid, et uniquement pour établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, et pour éliminer de la surface de la terre, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le but du tawhid, puisque cette terre, c'est Allah qui l'a créée. Et sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'a le droit d'être adoré, excepté le Créateur. Et si quelque chose est adoré par les hommes, hein, autre que le Créateur, cette chose-là doit être éliminée et doit être détruite. Hein. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala reste, hein, parmi ceux qu'on adore. C'est-à-dire, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui reste parmi les choses que les hommes adorent. Parce que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc le Cheikh, il mentionne ce verset qui dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion tout entière soit pour Allah seul. Et s'ils cessent, hein, alors Allah subhanahu wa ta'ala, hein, voit tout ce qu'ils font comme action. Et s'ils se détournent, alors sache que Allah subhanahu wa ta'ala c'est leur maître, et quel bon maître et quel bon secoureur. Donc Allah il leur donne de les combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et la fitna c'est quoi? La fitna c'est le shirk. La fitna c'est d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et de les combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, hein, de shirk ou d'autres choses qui adorent en dehors d'Allah. Donc le djihad dans l'islam, c'est pas pour prendre les biens des kuffars, c'est pas pour prendre le territoire des kuffars, c'est pas pour tuer les kuffars, c'est pas pour se venger des kuffars. Hein. Le djihad dans l'islam c'est pour détruire l'idolâtrie. Et annuler l'idolâtrie et enrayer de la surface de la terre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le djihad dans l'islam est uniquement pour élever la parole d'Allah et pour faire en sorte que seul Allah soit adoré sur la terre. C'est ça le but du djihad et c'est pas d'autre chose. Hein? Donc on voit l'exemple même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Mecca, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a tué les mouchriquines et les koufars pour se venger d'eux? Non, il a cassé les idoles une par une. Et c'est ça ce qu'il a fait. Et le but du djihad, c'est ça. C'est d'établir le tawhid sur la terre. Et d'enrayer le shirk et l'idolâtrie. Donc c'est ça le but. Et beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas compris ça. Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du tawhid dans l'islam. Et donc le cheikh, il mentionne, il dit, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de shirk, et la religion tout entière soit juste à Allah. Hein? Qu'il n'y a rien de la religion qui soit pour la tombe ou pour l'idole ou pour le saint ou pour l'ange ou pour le djinn ou pour l'homme, hein? Ou le prophète, hein? Ou autre. La religion tout entière doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça implique quoi? Ça implique que l'adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la salat, le jeûne, le dua, la crainte, l'espoir, hein? Le fait de faire des vœux et, hein, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant un vœu ou un serment à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on appelle an-nadr en arabe, hein, ar-raghba, d'avoir l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et de désirer faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir peur de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, de s'enfuir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. الذبح, c'est-à-dire de faire des sacrifices, hein, et de sacrifier des animaux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un le fait pour autre que Allah, c'est du shirk. Hein? Donc tout ça, ce sont des formes d'adoration qui doivent être faites uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on offre ces adorations-là à autre que Allah, ça va être considéré comme du shirk dans ce cas-là. C'est-à-dire si quelqu'un craint quelque chose autre que Allah, espère en autre chose que Allah, met sa confiance en autre chose que Allah, fait des du'as à autre que Allah, fait la salat à autre que Allah, fait des jeûnes pour autre que Allah, sacrifie pour autre que Allah, tout ça, ça devient du shirk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que toutes ces adorations-là soient pour lui seul, et que ce ne soit pas juste une partie de cette adoration-là qui soit pour lui. Il veut qu'elle soit tout entière pour lui seul. وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ et non pas بَعْدُهُ لِلَّهِ. Donc ce n'est pas une partie qui doit être à Allah seulement, mais toute l'adoration entière doit être pour Allah seul. Donc si un homme divise son adoration et il en donne une partie à Allah et il en donne une autre partie à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, c'est un mouchrik. C'est pas suffisant de juste dire j'adore Allah. Il faut que tu adores seulement Allah. C'est ça la différence. S'il partage son adoration entre Allah et quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, alors dans ce cas-là, il est kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le hadith Qudsi, il dit Ana aghna shuraka yani shirk. Parmi tout ce que les gens adorent, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de partenaires, il n'a pas besoin d'associés avec lesquels les gens adorent. Il est unique et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc si quelqu'un adore quelque chose avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'accepte pas son adoration. Si quelqu'un associe quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette cette adoration-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que cette adoration-là soit seulement pour lui. Soit uniquement pour lui. Si dans l'adoration que tu fais, il y a une part qui est pour Allah, une part qui est pour autre que Allah, et tu lui donnes un partenaire à Allah dans cette action-là, comme par exemple, quelqu'un qui fait la prière, ou il fait le jeûne, ou il fait quelque chose qui a rapport avec la religion, et il le fait en même temps parce qu'il veut les éloges des hommes. Il veut que les gens le remarquent. Il veut que les gens le complimentent. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle al-riya. Et c'est ce qu'on appelle également al-shirk al-khafi. Le shirk qui est caché. Ou al-shirk al-asrar, le petit shirk. Et donc, celui qui fait une adoration, par exemple, et il attend que les gens le remarquent, ou le regardent, ou le félicitent, ou le complimentent, ou lui fassent des éloges, alors ça veut dire que son adoration, elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou même si elle est pour Allah, mais elle est en même temps pour autre que Allah, donc Allah il ne l'accepte pas. Si quelqu'un par exemple, il donne sadaqa, mais il donne sadaqa pour que les gens voient qu'il est généreux, il n'a pas de récompense pour ça, parce qu'il a eu du riya dans son action. Ou bien par exemple, il récite le Coran pour que les gens complimentent sa récitation, il n'a pas de récompense pour ça. Ou bien si il parle de religion et il veut que les gens disent Masha'Allah, il a du ilm, alors il n'a pas de récompense pour ça. Ou bien il fait le jihad fi sabilillah, il veut que les gens disent qu'il est courageux et qu'il est fort, il n'a pas de récompense pour ça. Donc ton action, si elle n'est pas sincère pour Allah, ton action ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu fais une action, puis dans cette action-là tu associes d'autres choses avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le shirk. C'est une forme de shirk mineur. Et ça annule la validité de ton œuvre. Ça fait en sorte que cette action-là ne sera pas acceptée et ne sera pas récompensée. Et Allah, il laisse cette action pour celui à qui tu l'as fait. Il laisse cette action pour celui avec qui tu as associé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il va te dire au jour de la résurrection, va voir les gens pour qui tu faisais cette action-là pour voir s'ils pourront te récompenser. Ça, c'est l'exemple. Ou bien il dit, cette action, il est pour celui à qui tu m'as associé. Et moi, j'en suis innocent. C'est-à-dire, il se désavoue de cette action-là. Donc, le cheikh, il dit, Allahu Jalla wa Ala, la yaqbalu al-amal alladhi fihi shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas l'action dans laquelle il y a du shirk dedans. Il accepte uniquement l'action qui est pure et qui est uniquement faite pour son visage. Donc, il faut absolument, donc, le chef clarifier cette question-là. وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمِنَ الشِّرْكِ فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَيَقُولُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَيَقُولُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Donc le cheikh explique qu'il faut également se désavouer des mushrikines et du shirk. Il faut se désavouer des gens qui pratiquent le shirk et du shirk lui-même. Et il mentionne l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam. Et il dit dans le verset 120 dans sourate An-Nahl que Ibrahim était un modèle d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et il était hanif. Hanif, ça veut dire qu'il s'écartait du shirk. Il s'écartait du shirk et il se dirigeait vers Allah seul. C'est ce que ça signifie être hanif. Donc il était obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, il était hanif et il n'était pas du nombre des mushrikines. Et il mentionne l'autre verset dans sourate Az-Zukhruf, le verset 26 et 27, dans lequel il y a l'exemple ici, il dit: et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, parce que lui, il va me guider. Donc ça veut dire que les gens du peuple de Ibrahim, Ibrahim qui vivait en Irak à l'époque, et son peuple, ça c'était avant les Juifs, avant la révélation de la Torah. Donc Ibrahim, il n'était ni juif ni chrétien, il est venu avant. Et il vivait dans un peuple qui adorait les étoiles, qui adorait les statues et les idoles. Et il a dit à son peuple, à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté d'Allah, c'était excepté de celui qui m'a créé. Comme quand on dit la ilaha illallah. Donc innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Donc c'est la même signification que la ilaha illallah. Il y a la négation et il y a l'affirmation dedans. Tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tu affirmes que seul Allah mérite d'être adoré. Donc la ilaha illallah, c'est la négation et l'affirmation. Donc c'est la même chose dans cette parole. Ibrahim, il est en train de dire à son peuple qu'il témoigne de la ilaha illallah. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, vos statues, vos idoles et tout, excepté de celui qui m'a créé, parmi ceux que vous adorez. Parce qu'ils adoraient Allah, mais ils adoraient d'autres avec Allah. Donc Ibrahim, il se désavoue des autres et il dit: je crois uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu l'exemple aussi lorsqu'il a cassé les idoles et les statues, et comment il a laissé la plus grande. Et les autres petites étaient toutes cassées, ils sont venus et ils ont dit: mais qui est-ce qui a fait ça? Il leur a dit: mais demandez à la grande. Donc ça, c'est pour leur faire comprendre que c'est illogique d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas acceptable. Et certains aujourd'hui, Allah al-Musta'an, parmi les ignorants et parmi les égarés aussi, Allah al-Musta'an, quand ils parlent du tawhid et qu'ils parlent de l'exemple d'Ibrahim, ils donnent des exemples aujourd'hui pour essayer de réinterpréter le tawhid. Ils disent: non, aujourd'hui, maintenant, casser les idoles, ça veut dire casser les multinationales, casser Coca-Cola, casser les belles voitures, casser les belles marques. Et ça, c'est de déformer la réalité du tawhid. Et ça n'a rien à voir avec le tawhid. Donc ça, c'est qui est-ce qui dit ça? C'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, quand il explique le tawhid, et quand il explique l'exemple d'Ibrahim, et quand il parle du shirk, il parle que le shirk, c'est quoi? C'est porter des belles marques, avoir une belle voiture, ou bien d'acheter des grandes multinationales ou des choses de ce genre. Est-ce que ça, c'est du shirk? Est-ce que si quelqu'un boit Coca-Cola, ça y est, il devient mushrik? A'udhu billah. Donc il met dans le shirk, il fait rentrer dans le shirk ce qui n'a rien à voir avec le shirk, et qui n'est même pas un péché. Ça rentre dans les mubahat, d'avoir une belle voiture, tant que tu l'achètes avec de l'argent halal. hein, et que tu as les moyens de l'acheter, tu l'achètes, ça rentre dans qu'est-ce qui est moubah, hein. Et de même que de boire Coca-Cola ou bien de porter des beaux vêtements, tant que ce sont des vêtements qui sont halal et que c'est des achetés avec de l'argent halal, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais lui, il fait rentrer ça dans le shirk. Hein? Et quand c'est le temps de parler du vrai shirk, il n'en mentionne pas un mot. Et il ne mentionne même pas le fait que, par exemple, dans son pays d'origine, en Égypte, les gens font des pèlerinages par millions à des tombes et à des morts à chaque année. Il n'a jamais dit un mot là-dessus. Hein? Pourquoi? Parce que les gens qui suivent cette voie, hein, parmi les gens qui suivent la voie de celui-là et de son grand-père, ils n'ont pas compris, hein, la réalité du tawhid et de la da'wa des prophètes. Et pour eux, ça ne rentre pas dans le shirk d'adorer les tombes et les morts. Hein? Donc là, il ne faut pas s'étonner par la suite de voir ces gens-là qui mélangent la religion et qui disent n'importe quoi. On voit l'exemple ici par la suite du verset 4 dans Surat al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: il y a un bon exemple. لقد كان لكم في لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc ici dans ce verset, on voit l'exemple d'Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit: il y a un bon exemple pour vous dans l'exemple d'Ibrahim et de ceux qui étaient avec eux, enfin, c'est-à-dire de ceux qui étaient avec lui parmi les croyants, lorsqu'ils ont dit à leur peuple: nous nous désavouons de vous, c'est-à-dire on a rien à voir avec vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, hein. Et entre vous et nous vient de commencer une animosité et une haine qui va durer jusqu'à ce que vous croyiez en Allah lui seul. Jusqu'à ce que vous croyiez en Allah lui seul. Donc du moment qu'il y a du shirk, du moment qu'il y a des gens qui adorent d'autres avec Allah, même si ce sont des gens qui sont de notre propre peuple, eh bien on doit suivre l'exemple d'Ibrahim que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset, et c'est-à-dire de se désavouer d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, et de faire comprendre que c'est là-dessus qu'on doit établir notre amour et notre haine. Al-wala wal-bara. D'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh il dit: هذا هو الدين هذه ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. Et ça, c'est la religion d'Allah. Et c'est cette voie-là qu'on a été ordonné de suivre, la religion d'Abraham. Hein? Contrairement à ceux aujourd'hui qui sont en train de dire qu'ils suivent les trois religions ibrahimiques. Hein? C'est-à-dire, ils disent que les trois religions sont les religions de descendance d'Abraham, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et ils prétendent que ces trois religions-là sont bonnes. Alors que toutes ces deux autres religions-là, le judaïsme et le christianisme, elles ont opposé la religion d'Abraham dans les fondements de l'enseignement d'Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire d'établir le tawhid et de rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la religion d'Ibrahim, c'est l'islam. La religion d'Ibrahim, c'est le tawhid. Et c'est al-wala wal-bara ala tawhid wa ala al-aqida. Tu te bases sur ça. Et non pas qu'est-ce que ces gens-là font. Hein? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plein de versets à propos d'Ibrahim: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وما كان من المشركين. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit: قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة منها ومن أهلها. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي لا يجو أحد باتباعها ولا يدخل أحد الجنة إلا باتباعها. وهذا أمر عظيم يا عباد الله. أمر العقيدة وأمر التوحيد أمر عظيم، يجب أن يدعى الناس كلهم إلى التوحيد. الكفار يدعون إلى التوحيد، الكفار الأصليون من اليهود والنصارى والوثنيون يدعون إلى التوحيد، وكذلك المرتدون من المسلمين الذين قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام ثم نكصوا على أعقابهم وصاروا يدعون القبور، هؤلاء نحكم عليهم بالردة وندعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى الدين من جديد، فإن تابوا وإلا قتلوا كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لا بد منه، هذا لا بد منه. المشرك الأصلي والكافر الأصلي يدعون للدخول في الإسلام، والمرتد من المسلمين يدعى إلى التوبة وتصحيح الدين الذي أخل به بعقيدته، ويدعى إلى إخلاص العبادة والتوبة من عبادة القبور والتوبة من التقرب إلى الأولياء والصالحين، ويؤمر بتحقيق معنى لا إله إلا الله التي ينطق بها ويتكلم بها. وكذلك المسلم الموحد الذي يصدر منه شرك أيضا يبين له التوحيد الصحيح لئلا يغلط، ويبين له التوحيد الصحيح وتشرح له العقيدة وتبين له خصوصا أولاد المسلمين وخصوصا عوام المسلمين وخصوصا طلبة العلم المبتدئين الذين لم يتمكنوا، يبين لهم معنى التوحيد الصحيح، معنى العقيدة الصحيحة. وكذلك العلماء الضلال أيضا يدعون إلى تصحيح علمهم وعقيدتهم. اليهود كانوا علماء ولكنهم كانوا علماء السوء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فهم علماء، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا، أهل علم أهل دين يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأنهم تركوها وهم يدعون أنهم على دين، فالانتساب إلى الدين لا يكفي. الله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالعالم إذا انحرف فإنه يدعى إلى التوحيد ولو كان عالما، فإن استجاب وإلا فإنه يقتل إن كان فردا، أما إن كانوا جماعة فهم يقاتلون حتى يكون الدين كله لله عز وجل. هذه عقيدة التوحيد. فالتوحيد إذن هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، يوضح هذا للناس ويوضح معنى العبادة. Donc le cheikh explique, il dit donc que ça c'est la religion d'Allah, c'est une chose très grande, très importante, ô toi serviteur d'Allah. La question de l'aqida et la question du tawhid c'est très important, il faut appeler tous les gens au tawhid, même les kuffars il faut les appeler au tawhid. Les kuffars al-asliyoun, qui sont les kuffars al-asliyoun? Ceux qui sont kuffars à la base, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans le kufr et dans le shirk et sur d'autres religions que l'islam, il faut les appeler au tawhid, ceux-là, les juifs et les chrétiens et les hindous et les bouddhistes et les athées et tous les autres, il faut tous les appeler au tawhid, il faut leur faire la da'wa au tawhid. Et de même que les gens qui ont apostasié la religion de l'islam parmi les musulmans, ils ont dit la ilaha illallah puis ils sont rentrés dans l'islam, puis ils sont retournés sur leurs pas, ils sont retournés en arrière et ils ont commencé à adorer les tombes. et adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit cela, on juge à leur sujet que ce sont des gens qui ont apostasié, qui ont quitté la foi, parce qu'ils ont invoqué d'autres avec Allah, ils ont adoré d'autres que Allah. Donc on les appelle pour qu'ils reviennent au tawhid, et on les réinvite au tawhid encore une fois, hein, pour qu'ils reviennent à la religion d'Allah. On les appelle pour qu'ils reviennent encore une fois au tawhid. Et s'ils se repentent, c'est tant mieux, c'est ça l'objectif. Toutefois, s'ils refusent de revenir, ils doivent être combattus dans ce cas-là. Et il mentionne le verset 5 dans Surat At-Tawba à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et lorsque les mois sacrés sont terminés, alors combattez les mouchriquins, là où vous les trouvez, prenez-les, assiégez-les et tenez-les dans tout guet-apens, et s'ils se repentent et s'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors laissez-les partir en paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et miséricordieux. » Donc la condition c'est quoi? C'est qu'ils se repentent. Fa'in tabu. Ils se repentent de quoi? Ils se repentent du shirk. Donc s'ils se repentent du shirk et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors dans ce cas-là, vous les laissez. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et dans l'autre verset, Allah il dit فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Et s'ils se repentent du shirk qu'ils pratiquaient et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors ce sont vos frères en religion. Ils redeviennent vos frères. Parce que la fraternité dans l'islam, c'est pas basé sur la nationalité, c'est pas basé sur le pays d'origine, c'est pas basé sur la culture, c'est pas basé sur la langue, c'est pas basé sur la nation ou la patrie. La fraternité en islam, c'est basé sur le tawhid et sur la foi. Et donc, du moment que quelqu'un sort de la foi et qu'il sort du tawhid, il sort de la fraternité. Et s'il veut redevenir un frère, alors il doit rentrer dans le tawhid. Et c'est comme ça qu'on comprend que ceux qui établissent des fraternités avec d'autres sur autre chose que le tawhid, leur fraternité, elle est batila. Ceux qui font des fraternités basées sur des confréries, basées sur des associations, ou sur des organisations, ou sur des groupes comme la franc-maçonnerie ou autres, c'est des fraternités qui sont basées sur le kufr et sur le shirk. Et l'islam interdit ce genre de fraternité-là. La seule fraternité qui est permise et qui est acceptée en islam, c'est la fraternité qui est basée sur la ilaha illallah, qui est basée sur le tawhid. Donc le cheikh il dit ensuite, donc le mushrik qui est un mushrik asli, ou un kafir qui est kafir asli, celui-là, c'est-à-dire qui est né dans le kufr ou dans le shirk ou sur une autre religion que l'islam, il faut les inviter à l'islam, il faut les appeler au tawhid et à l'islam. Tandis que celui qui était musulman, qui a quitté l'islam à cause qu'il est rentré dans le shirk ou dans le kufr, il faut l'appeler à la repentance, il faut l'appeler à corriger sa religion, hein, il faut l'appeler à revoir sa croyance pour qu'elle soit en accord avec l'islam. Il faut le rappeler à purifier son adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut l'appeler à se repentir d'adorer les tombes. Il faut l'appeler à se repentir de chercher à se rapprocher des saints et des awliya et des salihin, hein, en leur offrant des adorations. Il faut les appeler à se repentir de ça. Il faut leur ordonner d'établir et de comprendre et de réaliser la vraie signification de la ilaha illallah. Pour que la personne prononce la ilaha illallah, hein, et pour qu'il l'applique également. Donc le musulman qui est sur le qui est réellement sur le tawhid, c'est celui qui dit la ilaha illallah et qui ne commet pas de shirk, hein. Donc celui qui commet du shirk, il faut lui expliquer le tawhid, il faut lui corriger les choses pour pas qu'il tombe dans l'erreur. Il faut lui clarifier le tawhid qui est correct, lui expliquer la bonne aqidah. Et en particulier les enfants musulmans. Le cheikh il spécifie, et en particulier les enfants musulmans. Il faut enseigner le tawhid à vos enfants. Depuis qu'ils sont assez grands pour comprendre, il faut leur enseigner le tawhid et les faire grandir sur le tawhid et sur la aqidah. Il faut concentrer beaucoup d'efforts sur le fait d'enseigner aux enfants la aqidah de l'islam pour qu'ils sachent la distinction entre le tawhid et le shirk, entre le kufr et l'iman, pour que lorsqu'ils vont aller dans des écoles, surtout que ici beaucoup de musulmans envoient leurs enfants dans des écoles des koufars, eh bien à l'école des koufars, c'est certain qu'on va pas leur enseigner le tawhid, et au contraire on va essayer de leur détruire leur aqida. Donc si on leur enseigne pas la bonne aqida à la maison ou à la mosquée, et qu'on concentre pas nos efforts sur ça, c'est sûr que ce sera facile de s'égarer pour eux par la suite. Donc il faut enseigner le tawhid à nos enfants en premier, et aux musulmans, le commun d'entre les musulmans, leur expliquer le tawhid, et également les débutants dans la quête de la science, les étudiants qui sont nouveaux qui débutent, qui commencent à étudier, qui n'ont pas encore qui sont pas encore établis dans leur science. Donc il faut leur expliquer la signification du tawhid correctement, et la signification de la bonne aqida. De même que les ulama de l'égarement, parmi les ulama qui ont des fausses compréhensions de l'islam, il faut les appeler en eux aussi à corriger leur science, à corriger leur aqida, et à revenir à la bonne compréhension de l'islam. Regardez, le cheikh il dit, regardez les juifs, ils étaient des savants, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient la religion à leur époque. Et malgré ça, lorsque on leur a envoyé Mu'az ibn Jabal au Yémen, la première chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, tu t'en vas vers des gens du livre, ce sont des ulama, ce sont des savants. Alors que la première chose à laquelle tu les invites, soit le témoignage de la ilaha illallah. Regardez, malgré que ce sont des hommes de science, malgré que ce sont des savants parmi les juifs, il faut les appeler quand même à témoigner de la ilaha illallah. Parce qu'ils ont abandonné la ilaha illallah. Ils appellent, ils prétendent suivre la religion, ils prétendent appartenir à la religion, mais ça c'est pas suffisant. Tant que c'est pas quelque chose de concret et de réel. Et le cheikh il mentionne le verset 29 dans sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne pratiquent pas comme religion la religion de la vérité parmi les gens qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, c'est-à-dire qu'ils donnent la taxe lorsqu'ils ont refusé d'accepter l'islam. On leur offre de payer la jizya après leur avoir fait la da'wah. Ça c'est lorsque les musulmans envoient les armées vers les mouchriquines et les kuffars, et donc ils leur demandent d'accepter l'islam. S'ils leur expliquent l'islam et que les gens refusent d'accepter l'islam, ensuite ils sont ordonnés de payer la jizya. Ok, et là ils sont permis par la suite de pratiquer leur fausse religion et de rester sur leur fausse religion. Et ils doivent payer cette jizya alors qu'ils se sont humiliés eux-mêmes et qu'ils l'ont donné de leur propre main. Le cheikh il dit, فَالْعَالِمْ إِذَا انْحَرَفْ. Donc le savant, s'il est dévié, il faut le rappeler au tawhid, même si c'est un savant. Parce que même les savants peuvent s'égarer. Et il y en a des gens qui disent, ah, un tel c'est un alim, et il a dit telle ou telle chose. Oui, mais même certains savants, ils peuvent s'égarer. Donc il faut, même les savants qui se sont égarés et qui n'ont pas compris le tawhid, il faut les rappeler au tawhid, même si c'est un savant. Et s'ils répondent, alhamdoulilah, sinon, il faut qu'ils soient, le cheikh il dit, s'ils sont des individus, ils doivent être jugés et exécutés par la suite s'ils appellent au shirk. Mais sinon, ça bien entendu, c'est dans un pays musulman, devant un tribunal musulman, devant des juges musulmans, et ils vont être jugés et appelés à leur repentance. Et s'ils refusent par la suite, la peine pour ça, c'est qu'ils seront exécutés. Toutefois, si c'est un groupe, alors ils doivent être combattus. Et jusqu'à ce que la religion soit entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la aqida du tawhid soit établie. Et donc le tawhid, c'est quoi? C'est de rendre notre adoration uniquement pour Allah, et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par notre adoration, et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut le clarifier pour les hommes et expliquer la signification de l'adoration. Donc maintenant le cheikh il commence à expliquer l'adoration, qu'est-ce que c'est. Il dit فَالْعِبَادَ إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. الْعِبَادَ إِسْمٌ جَامِعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Donc on répète encore une fois pour qu'on le mémorise, inshallah. Le Cheikh dit فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Ça, c'est la définition de l'adoration en islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'adoration, c'est un nom qui regroupe tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée, parmi les actions et les paroles. Qu'elles soient apparentes ou intérieures. Qu'elles soient apparentes, c'est-à-dire qu'on fait avec le corps ou qu'on prononce avec la langue, extérieurement, ou qu'elles soient intérieures, c'est-à-dire les actions qu'on fait, les actes du cœur et l'intention et ainsi de suite. Donc ça, c'est la définition globale et générale de l'adoration. Et le Cheikh il dit al-ibada qad takunu fi al-qalb mithl al-khawf wal-khashya wal-raja wal-raghba wal-rahba wal-tawakkul wal-inaba wal-ikhlas hadhihi kulluha min a'mal al-qulub min a'mal al-qalb wa 'ibadatun qalbiyya wa takunu 'ala al-lisan مثل ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وهذه عبادة عبادة باللسان يتحرك بها اللسان وعبادة على الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وإخراج الزكاة وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره كل هذه عبادة. Donc le Cheikh il dit que l'adoration, ça peut être avec le cœur. Et ça c'est la base de l'adoration, elle est dans le cœur. Si quelqu'un il n'a pas les bases de l'adoration dans son cœur, le reste de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit, ça n'a pas de valeur. L'adoration du cœur, c'est la base de l'adoration. Et il faut que toute adoration qu'on fait en islam soit établie avant tout avec les adorations du cœur. Donc le Cheikh il dit, l'adoration du cœur, c'est quoi? C'est comme la crainte. C'est comme le fait d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'écarte de ce qu'il a interdit. Et ça doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et par exemple, ar-raja, l'espoir. Tu dois mettre ton espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ar-raghba, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et d'aimer ce que Allah aime. Al-Rahba, c'est de s'enfuir et de s'écarter de ce que Allah déteste et de craindre Allah. Al-Tawakkul, de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Inaba, tu retournes repentant à Allah. Al-Ikhlas, d'être sincère et de purifier ton adoration pour Allah seul. Tout ça, ce sont des adorations du cœur. On ne peut pas les voir directement en apparence. On voit les manifestations de ces adorations-là, mais on ne voit pas ces adorations-là directement, parce qu'elles sont dans le cœur. Mais on voit qu'est-ce qui en découle. Par exemple, les paroles avec la langue. Lorsque quelqu'un il a la foi et qu'il craint Allah et qu'il aime Allah, eh bien il se rappelle d'Allah. Il fait le tasbih, il dit subhanallah, il dit la ilaha illallah, il dit Allahu akbar, il dit alhamdulillah. Ça, ce sont des adorations avec la langue. Et il y a également les adorations avec le corps, comme la salat, comme le jeûne, comme le hajj, comme le djihad, comme le faire donner la zakat, de garder les liens de parenté, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Toutes ces adorations-là sont des adorations avec le corps. Donc il faut respecter ces différents degrés d'adoration. فَالْعِبَادَ كُلُّ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَةِ كلها عبادة لله عز وجل وكلها يجب أن تخلص لله عز وجل لا يكون فيها شائبة الشرك. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما اقتصر على قوله فليعمل عملا صالحا بل قال ولا يشرك لأن العمل إذا دخله الشرك بطل وإن كان صالحا فإن الشرك يفسده ويبطله فالعمل عملا صالحا يعني يقول تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والعمل لا يقبل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم donc le cheikh il explique que donc l'adoration c'est de suivre ce que Allah a légiféré dans les paroles et les actions qui sont apparentes et intérieures. Tout ça, ce sont les adorations d'Allah et c'est obligatoire de les faire pour qu'elles soient purement pour Allah seul et qu'on n'associe rien avec Allah dedans et qu'il n'y ait aucune forme de shirk dedans comme Allah il le dit dans le verset 110 dans surat Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Dis au Muhammad à ces hommes, à ces gens, je ne suis qu'un homme comme vous, un être humain comme vous et j'ai reçu une révélation, j'ai reçu la révélation que votre divinité n'est qu'une divinité unique, c'est-à-dire que vous devez adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur, qu'il n'associe rien avec, avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration pour son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit seulement qu'il fasse une bonne action, il a dit et qu'il ne fasse pas de shirk. Voilà, yushrik. Parce que la bonne action, s'il y a du shirk dedans, elle est vaine, elle n'a pas de valeur. Et si, donc pour qu'elle soit une bonne action, ton action, il faut qu'elle soit exempte de shirk. Parce que le shirk vient annuler ton action. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Et le shirk dit que ton action, pour qu'elle soit bonne, elle doit respecter deux conditions. La première condition, qu'elle soit faite avec ikhlas avec Allah. Et ça implique qu'il n'y a pas de shirk dedans. Et deuxième condition, qu'elle soit en accord avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلُوا وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن لا يدخل الجنة إلا بهذين الشرطين من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا الذي يدخل الجنة من عداه لا يدخل الجنة فقوله بلى من أسلم وجهه لله هذا الإخلاص في العمل بحيث لا يكون فيه شرك وهذا لا أكبر ولا شرك أكبر ولا شرك أصغر وقوله وهو محسن هذا الشرط الثاني. Donc le cheikh explique que la première condition et la deuxième condition d'avoir ikhlas et de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça on les retrouve dans les versets 111 et 112 dans le Coran, dans surat al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que les juifs et les chrétiens ont dit que personne ne va rentrer dans le paradis excepté s'il est juif ou chrétien. Le cheikh, il mentionne donc ce verset-là comme preuve. Il dit, les juifs et les chrétiens ont dit ça. Si tu veux rentrer au paradis, il faut que tu sois juif ou chrétien. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est ce qu'ils désirent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad à ces gens-là, donnez vos preuves, ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. On ne peut pas juste prétendre des choses comme ça, il faut ramener des preuves. Et le cheikh, il mentionne ensuite la suite du verset, il dit, certes, celui qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant muhsin, tout en étant bienfaisant, et le cheikh, il mentionne l'explication de ça. Il dit, ce n'est pas la condition que tu sois juif ou chrétien qui va te faire rentrer au paradis. La vraie condition qui va te faire rentrer au paradis, c'est quoi? C'est que tu fais, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne, أسلمت وجهك لله وأنت محسن. Tu as soumis ton visage à Allah tout en étant محسن. Et donc, le cheikh il explique que ça c'est la condition pour entrer au paradis. Et tous ceux qui ne sont pas dans cette condition-là, ils ne rentrent pas au paradis. C'est-à-dire, tu as soumis ton visage à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu t'es soumis à Allah, mais uniquement à lui. Avec ikhlas dans tes actions. Avec sincérité. بحيث لا يكون فيه شرك il n'y aura pas de shirk dans tes actions ni petit ni grand il n'y a pas de petit shirk il n'y a pas de grand shirk ça veut dire que tu as soumis ton visage à Allah subhanahu wa ta'ala Et la deuxième condition, c'est de suivre l'exemple du messager, c'est-à-dire d'être un muhsin. D'être un muhsin, ça veut dire de suivre l'exemple du messager, sallallahu alayhi wa sallam. وَالْإِحْسَانُ مَعْنَاهُ مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَتَوَفَّرُ فِيهَا أو فيه هذان الشرطان الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون فإنه يكون باطلا فالعمل إذا كان فيه شرك فهو مردود وإذا كان العمل فيه بدعة فهو مردود أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فمهما حسنت نية فمهما حسنت نية الإنسان أو حسنت نية الإنسان أو حسنت نية الإنسان وقصده إذا كان يعمل عملا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو مردود عليه لا يقبل منه شيء من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص لله في الأعمال الصالحة ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله متابعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك ما نهى عنه وتصديقه هذا هو أهم معنى لشهادة أن محمدا رسول الله أما الذي يقول أشهد أن محمدا رسول الله ولكنه لا يتبعه ولا يعمل بشريعته بل يعمل بالبدع والمحدثات فهذا لا تصح منه شهادة أن محمدا رسول الله فالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو مشرك لا تصح له شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد من الإخلاص وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله فإذا كنت تشهد أنه رسول الله ولكنك تحدث بدعا أو تقتدي بالمبتدعة والمخرفين فمعناه أنك اتخذت المبتدعة والمخرفين رسلا تركت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المشرع فلان أو علان أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني donc le sheikh explique ensuite il dit al-ihsan ça signifie que tu suis l'exemple du messager صلى الله عليه وسلم toute action qui n'a pas respecté ces deux conditions al-ikhlas et le fait de suivre le messager صلى الله عليه وسلم alors cette action elle est fausse elle n'est pas acceptée donc si ton action elle a du shirk elle est rejetée et si ton action il y a une bid'a dedans ou c'est une bid'a alors elle sera rejetée et ça c'est basé sur les preuves tirées du hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles il dit celui qui fait une action dans laquelle celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion alors elle sera rejetée cette action sera rejetée et il mentionne également dans une autre narration celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie cette chose là sera rejetée donc peu importe le fait que la personne a une bonne intention quand elle fait une action il dit moi j'ai une bonne niya ma niya elle est bonne c'est pas suffisant si l'action que tu fais elle n'a pas été légiférée par le messager sallallahu alayhi wa sallam alors dans ce cas là c'est une innovation et elle sera rejetée elle ne sera pas acceptée de ta part donc celui qui fait une action comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le dit celui qui fait une action qui n'est pas établie sur notre religion alors elle sera rejetée et ça si on regarde comme il faut ces deux conditions là c'est l'explication du témoignage de shahadatain de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah tout ça c'est pour expliquer la définition de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah ces deux conditions-là. Et c'est pas pour rien que c'est le premier pilier de l'islam. C'est pas pour rien que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah sont les deux premiers piliers de l'islam. Parce que justement, c'est les deux conditions pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah. Hein? Donc le cheikh il explique ça justement. Il dit, la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, c'est ces deux conditions-là. Donc la signification de la ilaha illallah, c'est d'avoir ikhlas pour Allah dans tes actions, quand tu fais des bonnes œuvres. Et la signification de Muhammad Rasulullah, c'est que tu suives l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam et que tu abandonnes tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et que tu crois en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme information au sujet de la religion. Hein? Ça, c'est les plus grandes significations du témoignage de Muhammad Rasulullah. Mais celui qui dit par exemple, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il dit, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Mais il ne le suit pas par la suite. Hein? Ou bien il n'applique pas sa sharia. Il ne suit pas sa sunna. Hein? Par exemple, il y en a, par exemple, aujourd'hui, ils disent, moi je suis seulement le Coran. La sunna, je ne la suis pas. Et il dit, Muhammad, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Son témoignage, ça compte pas. Hein? Donc il faut qu'il suive la sunna. Et puis ça, c'est pas tout. Il faut en même temps qu'il rejette les innovations et les muhdathat. Donc s'il suit des innovations et des inventions dans la religion, son témoignage ne sera pas accepté. Son témoignage, quand il dit Muhammad Rasulullah, ne sera pas accepté. Donc, la ilaha illallah, c'est-à-dire, s'il dit la ilaha illallah mais qu'il fait du shirk, ce ne sera pas correct. Parce que la ilaha illallah, ça nécessite d'avoir à l'ikhlas. Et s'il dit Muhammad Rasulullah, eh bien ça signifie donc qu'il doit, comme on l'a dit, s'écarter des innovations. S'il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, mais tu fais des innovations, tu fais des bid'ah, et tu te bases sur les gens de bid'ah, et tu suis les gens de bid'ah et les groupes de bid'ah, alors ça veut dire que tu as pris ces gens de bid'ah comme des messagers, en dehors du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si pour toi, les messagers, c'est pas le messager Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager pour toi, c'est les gens de bid'ah. Parce que eux, ils inventent dans la religion et toi, tu les suis dans leurs inventions. Ils innovent dans la religion et toi, tu les suis dans leurs innovations. Donc, ton messager, c'est pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ton messager, c'est les gens de bid'ah, les gens de l'innovation. C'est ça que ça signifie. Hein? Donc, tu as abandonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour suivre autre que lui. Et il faut savoir que le vrai législateur, hein, c'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il légifère de ce que Allah lui a révélé. Hein? Et c'est pas le législateur, c'est pas un tel ou un tel, ou un tel savant, ou un cheikh un tel, ou un individu un tel, le savant un tel, non. Le législateur, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu laisses le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tu laisses ta sunna poursuivre les bid'ahs, donc ça veut dire que tu as mis ces gens-là au-dessus du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ton témoignage de Muhammad Rasulullah, il n'est pas correct. Ton témoignage de Muhammad Rasulullah, il n'est pas accepté. Donc le cheikh dit, Al-Musharri' huwa al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, bi-amri rabbihi, amma al-ulama, فيتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدون به أما من انحرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبع ولا يقتدى به ولو كان عالما فهناك من علماء الضلال الكثير الذين أضلوا الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين فالرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الأئمة المضلين فهم أئمة ولكنهم مضلون يدعون إلى البدعة يدعون إلى الخرافة يدعون إلى المحدثات والعياذ بالله يدعون إلى عبادة غير الله هؤلاء هم الأئمة المضلون من العلماء. Donc le cheikh il explique que le législateur, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par l'ordre de son Seigneur, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, les savants de l'islam, Les savants de l'islam, ils suivent le messager d'Allah. Et tant qu'ils suivent le messager d'Allah, on les suit. On ne les suit pas pour eux-mêmes. On ne les suit pas parce qu'ils parlent fort, ou bien parce qu'ils parlent bien, ou bien parce qu'ils s'expriment bien, ou parce qu'ils ont mémorisé beaucoup de la religion, ou bien parce qu'ils s'expriment avec éloquence. Ce n'est pas pour ça qu'on les suit, les savants. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la noblesse ou qu'ils sont descendants du messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'ils font partie des ashraf ou qu'ils font partie des gens qui ont dans leurs ancêtres des grands ulama et qu'on les prend comme des modèles ou des exemples et qu'on les suit à cause de ça. C'est pas pour ça qu'on suit les savants. On suit les savants parce qu'ils suivent le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais du moment qu'ils cessent de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam ou du moment qu'ils suivent quelque chose qui est contraire à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, on doit cesser de les suivre. On n'a pas le droit de les suivre dans les choses qu'ils font qui sont des erreurs ou qui sont contraires à la vérité. Hein? Sinon, des gens qui parlent bien et qui s'expriment bien, hein, qui sont éloquents, c'est facile d'en trouver. Mais si c'est, mais c'est pas ça la référence. Hein? Et il y en a des fois qui se basent sur l'erreur des savants parfois. Ils voient qu'un savant il a fait une erreur dans une question et il se base sur son erreur pour justifier l'erreur qu'il veut faire, qu'il veut suivre sa passion là-dedans. Hein, il dit, ah, j'ai vu un tel, il faisait ça. Donc c'est la preuve que c'est correct. Non, si c'est pas en accord avec la sunna, tu dois pas le suivre et tu dois pas le faire. Même si ça vient d'un savant. Parce qu'il y a des savants qui sont de l'égarement. Donc il y a des savants qui sont des bons savants, qui sont sur la guidée et le droit chemin, mais qui parfois font des erreurs. Alors quand ils font des erreurs, on n'a pas le droit de les suivre. Il faut pas les suivre dans l'erreur. Hein? Et quand il y a d'autres savants, ce sont des savants de l'égarement carrément. Et ceux-là, il ne faut pas les suivre du tout. Hein? Parce qu'ils appellent à l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos des gens du livre dans le Coran. Il dit par exemple, et à propos des juifs et des chrétiens, « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. En les suivant dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. Donc ils ont suivi leurs rabbins et leurs moines et ils se sont égarés à cause de ça parce qu'ils les ont suivis dans leurs erreurs ou bien dans leurs égarements. Et il y en a parmi les musulmans qui veulent faire la même chose que les juifs et les chrétiens et qui prennent les erreurs des savants et ils se basent sur ça. Ou bien qui suivent l'égarement de ceux parmi les savants qui sont égarés et qui se basent sur ça. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi ce qu'il craint le plus pour sa umma, c'est les imams de l'égarement. Les imams de l'égarement. Et donc, ce sont des imams, sauf que ce sont des imams dans l'égarement, qui appellent à la bid'a, qui appellent à la superstition. Il y a des gens, par exemple, parmi les musulmans, ils suivent uniquement celui qui parle bien. S'il y a quelqu'un qui vient ici, qui va parler du tawhid et de la sunna, et qui sait bien parler, ils vont le suivre. Puis si demain il y a un autre qui vient et qui parle de bid'a et qui parle de shirk ou des égarements, s'il parle très bien, il a une personnalité forte, alors ils le suivent. Hein? Ils ne regardent pas qu'est-ce que la personne dit, ils regardent la personne elle-même, qui elle est, et ils se basent sur qui elle est pour juger est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas connu la vérité pour ce qu'elle est elle-même. Ils ne se basent pas sur la vérité elle-même. Et les ulama, ils ont une règle à ce sujet-là. Ils disent يُعْرَفُ لَا يُعْرَفُ الْحَقِّ بِالْرِجَالِ وَلَكِنْ يُعْرَفُ الْرِجَالِ بِالْحَقِّ. C'est-à-dire que tu ne reconnais pas la vérité par les hommes, mais tu reconnais les hommes par la vérité. Hein? Et donc ça, c'est très important de regarder qu'est-ce que la personne dit. Est-ce qu'il se réfère au Coran et à la Sunna et à la bonne compréhension, la compréhension des salafs salih, ou bien sinon il fait juste se référer à des choses qui sont basées sur des bid'ahs, des innovations, des égarements. Donc ça c'est très important, ne pas juste se baser sur la personne qui parle bien. Hein? Wallah, il y a des gens, ils ont mille fois plus de science que certains d'entre nous. Hein? Ils ont mémorisé le Coran au complet, et Sahih al-Bukhari, Muslim. Hein? Et ils ont des doctorats en sciences islamiques. Et ils vont te faire des discours, ils n'ont même pas besoin de livres, ils n'ont même pas besoin de feuilles. Ils arrivent n'importe où, ils arrivent, ils s'assoient et ils sortent comme ça à volonté les hadiths et les ayats, comme s'il avait le livre devant ses yeux. Et il parle de sa mémoire comme ça à l'aise. Hein? Et pourtant, il appelle à la bid'a et à l'égarement. Et il y a des gens qui se basent là-dessus pour prendre ça comme des références. Ah, un tel, masha'Allah. Donc ça veut dire qu'il appelle à la guidance. Non, ce n'est pas une référence. Il y a des imams de la sunna parmi les salaf, ils ne donnaient jamais un cours sans son livre. Ils ne parlaient jamais de sa mémoire, ils ne parlaient que du livre. Et pourtant, c'était des imams dans la science. Et il y en a d'autres parmi les imams de la science, ils avaient tout mémorisé. Et ils basaient leur science sur tout ce qu'ils savaient par cœur de la science, des hadiths et autres. Donc la référence, ce n'est pas la question de mémoriser seulement, mais c'est la référence, est-ce qu'elle est authentique ou non? Est-ce que ce que tu dis, c'est en accord avec le Coran et la Sunna et la voix des salafs ou non? Et c'est ça qu'il faut faire attention. Donc quelqu'un qui invite à la bid'a, qui invite à la superstition, aux inventions dans la religion, et qui invite à appeler d'autres que Allah, ceux-là, il faut faire attention, ce sont des imams de l'égarement. Et aujourd'hui, les jeunes, souvent c'est ce qui se passe. Ils entendent un tel qui dit quelque chose, ils prennent sa parole et s'en vont voir l'autre. Ils savent que l'autre il n'est pas d'accord, ils s'en vont voir l'autre, ils vont dire, un tel il a dit telle chose. Et l'autre il lui répond, il lui dit non, ça c'est pas correct, voici ça. Alors il prend sa parole, il le ramène sa parole à l'autre. Et l'autre il lui répond et tout. Et ils font comme ça la girouette, à gauche, à droite, aller-retour entre les deux. Et ils suivent leur passion. Au lieu de prendre leur temps pour essayer de retourner au ulama, de retourner au ilm, d'étudier les bases de la science, d'étudier les fondements de l'islam et de comprendre vraiment bien les bases de ta religion. Hein? Si tu as compris ta base, tu ne vas pas courir à gauche et à droite par la suite. Parce que tu vas savoir la source où elle est et tu vas savoir comment tu dois chercher la science et de qui tu dois l'apprendre. Et donc tu vas cesser de faire la girouette. Hein? Mais tant que tu n'as pas établi tes fondements et tes bases et que tu commences à chaque fois qu'il y a une question nouvelle qui apparaît, tu commences à faire la girouette à gauche et à droite, t'appelles un tel cher, tu demandes à un, tu demandes à l'autre, et tout c'est des contradictions parce que t'es pas ferme dans ton manhaj. Tu n'as pas compris les choses correctement à la base. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Raffermir les bases de ton manhaj pour éviter d'être la proie justement de ces gens-là qui appellent à l'égarement parmi les imams de l'égarement. Donc, le cheikh, il dit, c'est ça, la religion. لِأَنَّ الدِّينَ هُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَا تُوفِيَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّا وَالدِّينُ قَدْ تَكَامَلُ فَأَيُّ وَاحِدٍ يَأْتِي بِإِضَافَةٍ بَعْدَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الدِّينِ نَقُولُ لَهُ لَا هَذِهِ بِدْعَةٌ لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وما عاش بعدها إلا شهرين وأياما وتوفي صلى الله عليه وسلم وما توفي إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين فحسبنا أن نعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان وهذا الذي هذا الذي يريد النجاة. Donc le cheikh dit la religion c'est ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est venu avec, c'est ce qu'il a ramené. Et lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est décédé, eh bien, la religion, elle avait déjà été complétée, complète. Il n'y avait rien à rajouter. Donc, toute personne qui vient rajouter quelque chose après la mort du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il veut que cette chose-là fasse partie de la religion, on dit à cette personne-là, non. On dit à cette personne-là, non. Ça, c'est une bid'a, c'est une innovation. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 3, dans surat al-Ma'ida, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc la religion, elle est complète maintenant. Si quelqu'un, il te vient avec le mawlid nabawi, il te vient avec les azkar, des turq soufiyah, hein, et les hadra qu'ils font dans leur mosquée, Allahul Musta'an, tu les vois par exemple quand ils font une hadra, je ne sais pas si vous êtes au courant de qu'est-ce que c'est, ils pensent que quand ils font, ils célèbrent par exemple le mawlid ou quelque chose comme ça, et ils pensent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vient en personne, se présente parmi eux, et ils se mettent en rond avec des tambours, et ils commencent à danser ensemble, sauter en rond, et ils commencent à se faire aller la tête en haut, en bas, sur le rythme du tambour, et ils crient en même temps, et ils crient des noms d'Allah, ou bien ils crient des choses, des paroles comme ça, et ils chantent des anachides, et ils pensent que ça c'est une ibadah, et ils pensent qu'en faisant ça, ils se rapprochent d'Allah. Alors que ça, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ni avec la sunna, et il n'y a aucune référence, ni dans le Coran, ni dans la sunna de ces choses-là. Donc ça fait partie des innovations, des bid'ah que les gens ont inventées dans la religion de l'islam. Et ces gens-là, en particulier les soufis, ils pratiquent ces choses-là parce qu'ils pensent que leur cheikh, l'a accepté. Et qu'est-ce que le cheikh a accepté? Ça veut dire que ça vient d'Allah. Et certains de ces shuyukhs-là, leur référence dans la religion, c'est pas le Coran et la Sunna. Comme nous, on dit que notre référence, c'est le Coran et la Sunna et l'exemple des salaf al-salih. Et on a les livres. On a le livre, on a le Coran avec nous. On a la Sunna avec nous, avec les chaînes de transmission et les hadiths authentiques. Et on a les paroles des sahaba aussi, qui ont été transmises avec les chaînes de transmission. Et on peut vérifier l'authenticité de ces paroles. Ça, c'est notre référence pour savoir qu'est-ce que c'est l'islam. Tandis que ces gens-là, ils ont d'autres références. Ils se basent sur les rêves. Les rêves de leur chouyour. Mon cher, il a rêvé que il a vu le messager sallallahu alayhi wa sallam, et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a révélé des nouvelles prières, des nouveaux dhikrs, des choses que les sahaba connaissaient pas. Et donc nous, on se base sur les rêves de notre cheikh. Hein? Ça, c'est des exemples de shubuhat. Ou bien, ils se disent, mon cher, il ne voit pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les rêves seulement. Il le voit en éveil. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vient comme ça, il s'assoit avec lui, il parle avec lui, normal. Hein? Et Ahmed Tijan, celui qui a fondé la tariqa Tijaniya, c'est ce qu'il disait. Il disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il venait le voir normal en plein jour, en plein éveil, quand il était réveillé. Il parle avec lui, il lui enseigne des choses sur l'islam que les sahabas ne connaissaient pas. Hein? Il lui a même donné un livre. Hein? Son livre qu'il a, c'est Jawahir al-Ma'ani. Il dit que ce livre-là, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné. Hein? Et c'est des exemples comme ça que tu retrouves chez les soufis. Hein? Il y en a parmi les chouyours soufiyins, ils disent non, nous on n'a pas besoin de prendre les hadiths. Hein? Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la révélation directe. Hein? On a des anges qui viennent nous amener les informations de Dieu directement. Ou bien on parle directement avec Allah. On n'a pas besoin de passer par les hadiths, passer par la sunna. Ça c'est pour les gens ordinaires, les gens simples, les ulama de la sharia. Nous, on est les ulama de la haqiqa. Hein? On est les savants de la réalité. On a atteint un degré plus élevé, on n'a plus besoin des hadiths. A'ouzou billah. Ça fait partie de la révélation du shaitan. Et ça, c'est de l'égarement. Il y en a parmi eux, non seulement ça, ils disent non, mon cheikh à moi, il vole dans les airs, il va jusqu'à en haut des cieux, jusqu'à Lawh al-Mahfouz, il regarde qu'est-ce qui est écrit dans Lawh al-Mahfouz, et il redescend. A'ouzou billah. Donc, pas besoin de Coran, pas besoin de la Sunna pour eux. Eux, ils ont leur propre révélation à eux. Hein? Et il leur reste juste une chose à dire. Il leur reste seulement de dire, je suis un messager. Je suis un rasoul. Je suis un nabi. Mais ils ont pas osé de dire ça. Alors, ils disent, on est des awliya. Hein? Et il y en a parmi eux qui ont dit même, je suis le khatim al-awliya. Je suis le sceau des awliya, le sceau des walis, le dernier des walis. Hein, comme le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Khatim al-Anbiya, lui, il ne peut pas dire qu'il est un nabi, alors il dit Khatim al-Awliya, le sceau des saints, le dernier des saints. Et yani, ils prétendent par la suite que le wali, il est plus grand que le nabi. Donc ça y est, c'est élevé au-dessus des prophètes. Hein? C'est, tout ça, c'est des exemples de shubuhat, comment les shayatines ont égaré les soufis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu les vois qui pratiquent ces choses-là. Et ça, c'est des choses qui sont écrites dans leurs livres, et c'est des choses qu'ils racontent juste aux gens qui connaissent bien, mais aux petits nouveaux, les initiés qui viennent de prendre la bay'a au cheikh soufi, qui vient de rentrer dans la tariqa, il ne lui dit pas ça. Il le laisse entrer dans la tariqa jusqu'à ce qu'il ait complètement lavé son cerveau, là, qu'il est devenu complètement un esclave du cheikh, là, il commence à lui dire les exemples de shayatib et les faussetés et les mensonges. Mais avant ça, il lui fait montrer que l'islam, c'est faire la salat, c'est faire la zakat, c'est yani, dire la ilaha illallah. Après, il lui ramène de faire le dhikr. Au lieu de dire la ilaha illallah, il dit la ilaha, la ilaha, la ilaha. Il s'assoit comme ça pendant des heures, il répète la ilaha, la ilaha. Après, ils disent illallah, illallah seulement. Et ça, c'est grave. Tu coupes la ilaha illallah en deux. Tu coupes toute la signification de qu'est-ce que ça implique. Et après, ils vont le dire non. Maintenant, tu vas dire, après, quand tu as atteint le niveau plus élevé encore, là, tu dis seulement hu, hu, hu, hu. C'est ça le fait pour les soufis. Quand ils ont atteint le haut degré. Donc, ils disent le dhikr avec la ilaha illallah, ça, c'est pour les gens ordinaires. Les simples, les musulmans ordinaires, le commun d'entre les musulmans. Mais comme ils disent, al-khawas, les élites de la spiritualité, ceux qui ont atteint les plus hauts degrés de la piété, eux, ils ont juste à faire le dhikr avec hu, hu, hu, hu, comme ça. Donc ça, c'est des exemples d'égarement de la part des gens de bid'a parmi les soufis. Hein? Et c'est pour ça que le danger des soufis, il est grand. Parce que c'est de là que vient l'égarement, de ces deux voies. Al-Rafida ou Al-Soufiya. Al-Rafida, c'est les Shia, Al-Rafida, et Al-Soufiya. Ces deux voies-là sont des voies d'égarement. Et c'est de ces deux voies-là que rentre l'égarement dans la Ummah. Hein? Et les Rafida, c'est plus difficile. Ils ne peuvent pas s'infiltrer facilement chez les gens de Ahl-Sunnah, parce que les gens d'Ahl-Sunnah en général, ils se méfient d'eux, excepté certains qui connaissent pas leurs égarements. Mais les soufis, étant donné qu'ils sont mélangés parmi les musulmans, parmi les gens d'Ahl-Sunnah, les gens, ils les prennent comme étant des sunnites, et ils pensent que ce sont des sunnites, et ils prétendent suivre les madahib, et ils disent, moi je suis maliki, et les soufis, naqshbandi, boutchichi, ou shadili, ou bien tijani, ou bien Naqshbandi, ou bien Saharwardi, ou bien Jisti, il dit je suis Maliki, je suis Shafi'i, je suis Hanafi. Et pourtant, il ne suit pas la Aqida ni le manhaj de Abu Hanifa, il ne suit pas la Aqida ni le manhaj de l'imam Malik, il ne suit pas ni la Aqida ni le manhaj de l'imam Abu Hanifa, de Shafi'i, de Malik et des autres imams. Ils contredisent tout ça. Donc ça, c'est pour vous expliquer. Cette religion, elle est complète. Et l'imam Malik, justement, à ce sujet-là, quand il a expliqué qu'il y en a des gens qui disent qu'il y a des bonnes bid'a, et des bonnes innovations, il a dit quoi? Il a dit, celui qui dit qu'il y a des bonnes bid'a, c'est comme s'il a expliqué que, c'est comme s'il disait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait trahi la révélation. Il a trahi le message. فَقَدْ خَانَ الرِّسَالَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ هُنَاكَ بِدْعَ حَسَنَ فَكَأَنَّهُ يَقُولْ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ خَانَ الرِّسَالَ. Il a trahi le message. Hein? Parce qu'il y a des choses qui rapprochent Allah, mais il ne les a pas enseignées aux hommes. Il les a cachées. Hein? Et ça, c'est l'égarement. Donc, la religion, elle est complète. Et Allah, il a révélé ce verset-là, le verset qui dit que la religion, elle est complète. Il lui a révélé 2 mois avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, la religion, elle était déjà complète. Et qu'est-ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a pratiqué et a amené? Ça, c'est suffisant pour nous. Et on n'a rien à ajouter, ni à enlever. Et celui qui veut le salut, c'est cette voie-là qu'il doit suivre. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Eh bien, bien entendu, c'est la dernière conférence pour moi aujourd'hui à Fréjus. Et j'espère donc qu'on a profité ensemble hein, de la lecture de ces paroles et de ces explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre ça dans la balance des hasanat de Cheikh Saleh Al-Fawzan et dans la balance des hasanat hein, de tous les frères qui ont assisté à ce dars et dans notre balance également des hasanat, inshallah. Et qu'il rende toutes ses explications et toutes ses paroles sincères et uniquement pour son visage, hein, avec ikhlas. Et on espère également qu'il accepte de nous notre siyam et notre qiyam. Et en particulier le fait que il y a les 10 derniers jours qui approchent. Donc, hein, il faut se rappeler qu'il faut essayer, inshallah, de profiter de ces 10 derniers jours-là, hein, parce que ce sont les 10 jours dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait encore plus d'efforts dans l'adoration que qu'est-ce qu'il faisait au début du Ramadan. Donc inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.